sommes samedi le 29 juillet 2017. Bienvenue à ce journal dont voici la charpente. Le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition Amizero Barundi qualifie de ridicule les propos du président du parti FNL qu'il accuse de vouloir perturber l'ordre public. Le député Agathon Gwasa est surpris d'entendre que c'est Jacques Bigirimana qui communique les dossiers en cours de traitement au service national de renseignement. 84 familles de Gasegne dans la province de Rumonge qui ont fui les glissements de terrain disent vivre dans de mauvaises conditions presque une année qu'elles sont logées chez leurs voisins ou parentés. Les habitants de la colline Chamakombe dans la zone Ruziba de la province de Chibitoke se plaignent du manque de soins de santé au moment où le centre de santé n'a même pas d'espace suffisant pour accueillir les malades. Le responsable adjoint de ce centre et le chef de zone Ruziba demandent qu'un autre centre de santé soit construit. Voilà pour le sommaire de ce journal présenté par Christelle Anizigama et Metoussin Mitevouti assure la mise en onde. Bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie a été retrouvé le soir de ce vendredi au bord de la rivière Kaburanwa de la commune Buganda dans la province de Chibitoke. La victime était une femme plus âgée du nom de Ngendakumana Immaculée. Les sources émanant de sa famille indiquent que la victime s'était rendue dans son champ et on ne l'a plus revue et demande que des enquêtes soient menées. La police dans la commune de Buganda a déjà commencer les enquêtes. Page politique, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition Amizero Barundi qualifie de ridicule les propos de Jacques Bigirimana, président du parti FNL, qui l'a accusé ce vendredi de vouloir perturber l'ordre public. Le député Agathon Gwasa se dit être surpris d'entendre que c'est Jacques Bigirimana qui communique les dossiers en cours de traitement au niveau du service national de renseignement. Moi, je trouve ces propos ridicules et je trouve que il y a anguille sous roche. D'abord, sur le plan administratif et organisationnel, comment est-ce que la documentation qui est supposée rendre compte au président de la République fasse rapport à ce Bigirimana Jacques? De surcroît, de sources bien informées, il y aurait une fameuse lettre ouverte qu'il aurait adressée à ma personne, mais qui ne m'a pas envoyée. Laquelle lettre lui a été écrite par les gens du pouvoir pour lui faire justement signer et prétendre que c'est lui qui écrit ça. Une lettre qui me semble être une menace à peine voilée. Une lettre qui essaie de faire des montages rocambolesques pour justifier en fait de compte toutes sortes de nuisances qui me soient destinées. Et je trouve que c'est, je dirais, un peu inexplicable qu'un régime se préoccupe de nuire aux citoyens que de résoudre les questions qui se posent au peuple qui attend beaucoup des instances qui dirigent le pays. Donc pour moi, je trouve que c'est plutôt une incapacité, une faiblesse sans nom que les choses soient conduites de cette manière. Et à propos du mémorandum que son porte-parole Aimé Magela a rendu public, Agathon Gwasa le trouve normal tout en expliquant que nulle part ce mémo ne perturbe la sécurité. Et cet élu du peuple tranquillise qu'il ne rêve pas récupérer le parti FNL dirigé par Jacques Bigirimana et indique être au courant des réunions qui sont tenues pour lui faire du mal. Aimé Magela, c'est un citoyen burundais qui réagisse aux propos de l'un ou l'autre. Je trouve cela tout à fait normal. J'ai jeté un coup d'œil sur ce mémo, comme j'ai jeté un coup d'œil sur cette fameuse lettre de Jacques à travers les réseaux sociaux. Je trouve que les propos qui ont été tenus par certaines personnalités du CNDD-FDD, en l'occurrence le commissaire chargé de la coordination des ligues et mouvements affiliés au parti, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, et la fameuse secrétaire de Jacques Bigirimana dernièrement à Rumonge et bien d'autres, je trouve que ce sont des propos qui peuvent susciter la réaction de tout un chacun. Et si Magera a réagi par rapport à ces propos, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'anormal. Alors qu'ils en viennent maintenant à proférer toutes ces menaces et à déclarer ce qu'ils déclarent, à faire des affirmations aussi gratuites que celles qu'ils affirment, je trouve que c'est peut-être un signe qui ne trompe pas, que quelque part, il y a, ça ne va pas au niveau de certains organes dans ce pays. Un parti qui est plutôt au service d'un autre, c'est pas ça vraiment ce qui me préoccupe. De toute façon, moi je suis FNR, je l'assume, mais je ne suis pas FNR sous la houlette de Bigirimana. Donc pour moi, il n'a qu'à être tranquille. De toute façon, je n'ai rien à lui demander. Et il ne sait même pas très pertinemment comment il a été installé à la tête des FNR. Et il sait qu'il n'a pas d'ascendance sur les militants et les sympathisants FNR. Je ne participe pas à ces réunions, mais il n'y a pas de secret sous le soleil. Des fois, ça filtre. On peut connaître certains plans et c'est comme ça qu'on peut les déjouer et survivre quelques jours. C'était le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition Amizero et Yabarundi, Agathon Gwasa. Une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et dans la suite de ce journal, plus de 50 dossiers relatifs à la vente et à la consommation de la boisson prohibée dite Mudilingi ont été tranchés par le tribunal de grande instance de Moalo au cours de ces 5 derniers mois. Le juge près de ce tribunal dit que cette boisson doit être combattue car elle est nuisible à la santé. Il précise que dans l'ensemble, la population de cette province commence à être sensibilisée aux méfaits de cette boisson, même si quelques exceptions se remarque encore. Laurent Ndikuriyo. Selon un communiqué signé par le juge président du tribunal de grande instance de Moaro le 20 juillet de cette année, la boisson prohibée dite Umudiringi ou Umunanasi n'a plus de place dans cette province. Afin de lutter contre cette boisson, le juge président du tribunal de grande instance de Moaro, Thomas Nukamazina, dit que des descentes ont été faites sur les collines de la province par les responsables de l'administration, de la justice et des corps de sécurité pour sensibiliser la population sur les méfaits de cette boisson. Il dit que lors de ces descentes, la population a été sensibilisée sur le fait que celui qui sera attrapé en train de vendre ou consommer cette boisson sera jugé directement par le tribunal dans le cadre des procès de flagrance. Le juge président du tribunal de grande instance de Moaro souligne que depuis le mois de mars de cette année jusqu'au mois de juillet, plus de 50 dossiers relatifs à la vente et à la consommation de cette boisson dite Umudiringi ont été tranchés par ce tribunal. Cette boisson altère la santé et est source de bagarres dans les ménages, précise toujours le juge président du tribunal de grande instance de Moaro. Il dit que de façon générale, la population commence à être sensible sur les méfaits de cette boisson, sauf en commune Kayokwe, où quelques cas se remarquent encore sur certaines collines. Signalons que l'article 215 du Code pénal burundais dit que celui qui administre volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou altérer gravement la santé est puni d'une servitude pénale d'un an à 20 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs bourg. De Moaro, Laurent Ndikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent. À 13h05 au studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Dans la province de Rumonge, 84 familles de Gasenye en commune Burambi dans cette province disent vivre dans de mauvaises conditions. Presque une année qu'elles sont logées chez leurs voisins, amis et parentés, fuyant des glissements de terrain. Elles demandent au gouvernement burundais de se pencher sur leur cas. Jean-Pierre Misago. Dès le début de la saison pluvieuse 2016, ces familles de la sous-colline Muhimbuke ont commencé à déménager vers les voisins de la même colline de Gisenyi ou vers les amis et parentés de Maranvia, Gishiha et Magana dans la même zone de Maranvia, selon certains de ces familles interrogées, relayées par des sources administratives en commune Burambi. C'est en effet à cette époque que leurs terres ont commencé à glisser, d'autres se sont profondément fracturées, informe Rémi Sabima, conseiller technique aux affaires administratives et sociales de l'administrateur communal de Burambi, qui précise que c'est pour prévenir des pertes en vies humaines que l'administration a conseillé à ces familles de vider les lieux, alors que ces familles réclament des abris puisque vivant dans des conditions précaires. Rémi Sabimana fait savoir que leur problème est déjà parvenu au gouvernement burundais via le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions et qu'ils seront prioritaires lors du prochain aménagement des villages ruraux. Entre-temps, il y reste les premiers à bénéficier d'une éventuelle aide. Plus de 300 familles victimes des inondations, actuellement rassemblées dans les sites de Tchachi et Gitaza, attendent encore des abris. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago. Les habitants de la colline Chamakombe dans la zone Ruziba, commune Mugina, en province de Chibitoke, se plaignent du manque de soins de santé inconvenables au moment où le centre de santé de la dite colline n'a même pas d'espace suffisant pour accueillir les malades. Le chef de zone Ruziba et le responsable adjoint de ce centre de santé approuvent l'existence de ce problème et demandent à ce que ses habitants soient assistés dans leur projet de se construire un autre centre de santé, d'autant plus que ces derniers ont déjà rassemblé quelques matériaux de construction. Les détails avec Didier Nyonzima. Cette femme, habitante de la colline Chamakombe, indique que sur cette colline, les habitants ont des problèmes d'accès aux soins de santé convenables. Nous avons vu par exemple un malade qui partage la même chambre avec une femme qui vient d'accoucher. On peut retrouver un homme et une femme qui se retrouvent dans une même chambre. Les habitants de cette colline font savoir qu'ils ont pris l'initiative de se réunir dans des associations afin de travailler en synergie pour trouver les moyens de se construire un centre de santé. Mais comme celui-ci est un projet qui requiert beaucoup de moyens financiers, cet homme dit qu'ils ont instauré un système de contribution financière, mais précise qu'ils ont du mal à trouver cette contribution suite à la pauvreté qui se fait observer dans leur famille actuellement. Nous les habitants de Chamakombe, nous nous sommes entendus sur le projet, mais l'argent constitue un obstacle. Ainsi, nous nous sommes convenus que chaque famille va donner une contribution de 5 000. Mais suite à la pauvreté qui s'observe sur cette colline, la majorité dit qu'elle ne peut pas trouver cet argent. Egide Ngiriabandi, le responsable adjoint du centre de santé de la colline Chamakombe, indique aussi que ce centre de santé a des problèmes, notamment le manque de chambres suffisantes. Ici, sur ce centre de santé de Chamakombe, nous avons des problèmes concernant l'hospitalisation des malades. Il arrive que deux ou trois malades soient allongés sur un même lit. Il y a aussi un problème lié aux locaux. Plusieurs services sont effectués dans une même salle. Wilson Dawi Horire, le chef de zone Ruziba, confirme que le problème de soins de santé est une réalité sur la colline Chamakombe. Il indique qu'un projet de construction d'un autre centre de santé a été amorcé, mais que les habitants de cette colline seuls ne sont pas capables de terminer ce projet, raison pour laquelle celui-ci demande l'aide de tous les bienfaiteurs. Le projet touche presque à sa fin. La population elle-même, avec la sensibilisation efficace de son Excellence le Président de la République, montre qu'elle est capable de monter leur projet. En premier lieu, l'hôpital de Chamakombe est en difficulté car une femme qui vient pour accoucher partage une seule chambre avec d'autres malades qui souffrent de la malaria. Vous entendez que ce n'est pas une chose facile. C'est un hôpital qui a une seule ou deux chambres avec des matelas insuffisants. C'est pourquoi je lance un appel à la population qui m'entend, aux différentes associations chargées de la vie humaine et d'autres qui peuvent aider pour que les citoyens de Chamakombe puissent avoir un endroit où ils seraient bien accueillis. Ces habitants de la colline Chamakombe, située à la frontière ouest entre le Burundi et le Rwanda, ont déjà commencé à rassembler quelques matériaux de construction, en l'occurrence les pierres, dans le but de se construire un centre de santé décent. Merci Didier Nyonzima. Et à Gitega, il se remarque une pénurie de médicaments dites spécialités dans cette province, ce qui pousse la mutualité dans cette province de renvoyer les affiliés de la mutuelle de la fonction publique dans d'autres pharmacies. Ceci est dit par le chef d'antenne de la mutuelle de la région, dans la région Est-Centre, Dieudonné Ndayilelele, indique qu'il envoie leurs affiliés chercher les médicaments dans d'autres pharmacies quand leur stock est vide. Ce chef d'antenne fait savoir que le retard de l'approvisionnement est dû à la lenteur de passation des marchés publics. On l'écoute. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la ville d'Octega abrite une population de fonctionnaires, notamment les enseignants, le personnel de la santé, la police et les forces armées. Toutes ces catégories ont des familles aussi nombreuses ici dans la ville d'Octega. La majorité de toutes ces personnes utilisent les cartes mutuelles. Alors, ils s'approvisionnent toutes dans les pharmacies de la mutuelle. Et ils ont cette obligation de commencer par les pharmacies de la mutuelle. Il est donc logique que les pharmacies de la mutuelle soient vidées avant les pharmacies privées. Vidé par ses affiliés. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, aucune pharmacie ne peut disposer de toutes les catégories de médicaments nécessités par la population. Et c'est d'où est venue la politique de collaborer avec les pharmacies privées partenaires. Alors, ici, en ville d'Octega, nous n'avons que deux pharmacies partenaires, notamment la pharmacie Sarama et la pharmacie Rama. Et si ils sont orientés dans la pharmacie Sarama, c'est parce qu'on connaît que cette pharmacie dispose autant de médicaments que Rama. Parce que si vous ne le saviez pas, Salama est un même état grossiste et détaillant. D'autant plus qu'alors la mutuelle ne fabrique pas de médicaments. Lorsqu'il est en rupture de stock, elle oriente les gens là où se trouvent les médicaments que la mutuelle même va rembourser. Ce Octega en particulier, comme ceux de tout le pays, la première chose qu'il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils sachent que la mutuelle ne fabrique pas de médicaments. La mutuelle s'approvisionne via les marchés publics. Et quand elle a le stock, elle a cette priorité de prioriser ses affiliés. Alors, en cas de rupture, elle oriente ses affiliés dans ses pharmacies partenaires. Il faut alors qu'ils comprennent que en cas de rupture à la mutuelle, ces gens-là s'orientent dans des pharmacies partenaires. Radio Isanganiro Chronique. L'éducation pour tous est le projet défendu par la Miss East Africa France 2017, une Burundaise du nom de Lies Noela Teteya. Un projet immense qui nécessite beaucoup de moyens et là des stratégies pour y arriver. L'un serait de se concerter et de partager les idées et les expériences avec la Miss Burundi de l'année passée pour servir ensemble leur patrie, le Burundi. D'après elle, l'important est de doubler d'efforts dans surtout la sensibilisation des jeunes en général et surtout les filles en particulier. Chronique Art et Culture, c'est avec Christian Xavier. Lies Noela Teteya, Burundaise de 18 ans, va représenter l'Afrique de l'Est, qui est en grande partie anglophone. Elle se sent à la hauteur de cette noble tâche, puisque le jour où elle était choisie comme Miss, elle a assuré. Alors, naturellement, si on participe au concours Miss East Africa, il est indispensable d'avoir des notions en anglais. Donc, c'était vraiment la base, j'ai envie de dire. Chaque fois que je communiquais ou j'avais des interactions avec les membres du comité ou encore même certaines candidates, des candidates qui étaient uniquement anglophones. Les défis sont là, les moyens vont suivre. Lies a déjà une idée de comment elle va faire. Et c'est là où justement les sponsors et les partenaires de l'organisation de l'événement interviennent. Là où ils sont importants, c'est qu'ils vont nous aider à acquérir une portée, une certaine, pas notoriété, mais vraiment la promotion du projet de l'événement pour essayer de sensibiliser les grandes enseignes, que des enseignes avec des grands noms, avec une portée internationale, qui vont pouvoir essayer de s'investir. Noela est née et a grandi en France, mais son amour envers sa patrie, le Burundi, s'est manifesté quand elle a battu le reste de tous les pays de l'Afrique de l'Est. Comment elle a fait ? Et c'est là où justement les sponsors et les partenaires de l'organisation de l'événement interviennent. Là où ils sont importants, c'est qu'ils vont nous aider à acquérir une portée, une certaine, pas notoriété, mais vraiment la promotion du projet de l'événement pour essayer de sensibiliser les grandes enseignes, que des enseignes avec des grands noms, avec une portée internationale, qui vont pouvoir essayer de s'investir. Son projet est basé sur un grand thème qui est extrêmement large, l'éducation pour tous. Lies ne se décourage pas. Elle va en plus d'apporter quelques matériels didactiques aux plus nécessiteux, centrer ses efforts sur la sensibilisation. Je suis vraiment dans une dynamique de sensibiliser les jeunes de ma génération, de promouvoir l'éducation histoire de donner envie aux jeunes de perpétuer l'éducation, c'est-à-dire essayer de répartir justement cet engouement et cette dynamique vers le futur. Donc moi, c'est pendant un an que j'aurai l'occasion d'être sur le devant de la scène et d'essayer de commencer le projet. Mais si la Miss de l'année prochaine peut peut-être poursuivre le projet ou même les partenaires qui m'auront soutenu pendant le projet continuent justement le programme après mon élection, vraiment ça va bien plus loin que cette année de règne. Je dis pas que en un an, je vais réussir à essayer de changer le Burundi, changer l'Est de l'Afrique, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà. Sachez que Miss East Africa France 2017, Lies Noé la TTA, et Miss Burundi de l'année passée, Ange Bernice Singabire, pensent se concerter et se partager les idées pour que Lies serve la sous-région en général et le Burundi en particulier. Merci Christian, c'est sur cette page chronique que nous clôturons ce journal, mais avant de tourner le bouton, suivez la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu, dans son numéro du 28 juillet, revient sur le briefing de Michel Kafando, envoyé spécial de l'ONU au Burundi devant le Conseil de sécurité. Kafando s'est inscrit, écrit Iwachu, dans la ligne de ses prédécesseurs, appelant au dialogue inclusif et le respect de l'accord d'Arusha. On risque lui aussi de saturer les foudres de Bujumbura, poursuit notre confrère. Devant ce conseil, Michel Kafando a évoqué une exigence d'un dialogue inclusif en préalable à tout règlement de la crise. Il a mis l'accent sur la responsabilité de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Bujumbura devrait accepter l'insistance des pays de la sous-région et de l'Union africaine appuyée par les Nations unies d'aller au dialogue impliquant l'opposition exilée et celle de l'intérieur. Il a poursuivi, je cite, « C'est à mon avis, à ce prix, que nous parviendrons à instaurer la confiance entre les Burundais, à garantir des institutions crédibles, stables, démocratiques et à promouvoir la réconciliation nationale. » Fin de citation. Pour cet envoyé spécial, écrit encore l'hebdomadaire, l'accord d'Arusha doit rester la norme de référence dans la gestion du Burundi. Entre autres réactions, Albert Shingiro, ambassadeur du Burundi à l'ONU, le dialogue est sur une trajectoire évolutive. D'après Charles-Andy TJ, président de la plateforme Senared, le Conseil de sécurité évite de crisper Bujumbura. De son côté, Encher Anikoya Gize de la Ligue Iteka estime qu'il y a risque de sacrifier la justice internationale en faveur du dialogue et à Hamza Venant Wuriku qui est du CAPES Plus de dire que Michel Kafando a trahi leur message. Le Burundi reste classé dans les catégories des pays à faible développement humain et a même régressé en passant de 0,406 en 2014 à 0,404 en 2015. Cela a été annoncé par Dr Gary Conille, représentant résident du PNUD au Burundi. C'était dans le cadre du lancement officiel du rapport mondial sur le développement humain de 2016. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse ABP revient sur la séance des questions orales à l'Assemblée nationale à l'endroit de la ministre de la Santé. En effet, écrit ABP, au Burundi, 80 255 personnes vivent avec le VIH-Sida, dont 51 917 sous antirétroviraux. Selon la ministre Nijimbere, 10,2% de toxicomanes de la ville de Bujumbura, dont certains s'injectent de l'héroïne, sont infectés par le VIH-Sida. La ministre Nijimbere a évoqué une stratégie 90-90-90 qui veut que d'ici 2030, les 90% de la population connaissent leur statut sérologique. La stratégie projette en outre que 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida auront accès aux médicaments antirétroviraux et que 90% de ces personnes auront une charge virale indétectable. Et pour ce poursuit ABP, le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé comptent collaborer sur la manière de faire entrer au pays le produit médicinal appelé méthadone qui diminue la dépendance à la drogue jusqu'à l'arrêt de sa consommation. Les percepteurs des frais de stationnement mécontents, écrit encore Burundi Echo. Les agents percepteurs de ces frais affirment travailler dans des conditions difficiles. Sous un soleil de plomb, ils indiquent passer toute la journée sous des injures et intimidations. leur infligée par les propriétaires de véhicules. Ces derniers demandent à la mairie de sensibiliser les contribuables sur le bien fondé du paiement des frais de stationnement. Les percepteurs n'ont pas de contrat qui les lie avec les sociétés pour lesquelles ils travaillent. Ils se demandent qui leur payera les frais de soins une fois cognés par une voiture ou s'il arrive qu'un contribuable les menace, qui les défendra en justice. De surcroît, ils demandent à leurs employeurs, 4 entreprises différentes se partagent cette activité, de leur donner des contrats de travail sans attendre le délai d'une année. L'agence burundaise de presse parle d'une pénurie de certains médicaments dans plusieurs pharmacies de Bujumbura. Cette pénurie est confirmée par les détenteurs de certaines pharmacies de détail qui parcourent différentes pharmacies de gros pour s'approvisionner en certains produits. Selon ces derniers, la raison majeure de cette pénurie est liée à l'insuffisance des devises nécessaires pour l'importation de ces médicaments. Face à cette situation, Emmanuel Bamenyekane, directeur du département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire, tranquillise en affirmant qu'il n'y a pas de pénurie de médicaments à proprement parler. C'est la guerre entre les génériques et les spécialités qui continue, explique M. Bamenyekane. Dans son classement hebdomadaire, Iwatch met en hausse l'équipe nationale féminine de football Inhamba pour avoir atomisé l'équipe de Djibouti sur un score de 6-0 le samedi 22 juillet à Bujumbura. En baisse se trouve Jeanne Ndimubandi, secrétaire du parti FNL, pour avoir déclaré que le Burundi est une démocratie parce qu'il est dirigé par un Hutu lors d'une réunion des membres à Rumonge samedi 22 juillet. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Placide Niomungere. Nous vous souhaitons un bon week-end à tous. À la prochaine.